force ennemie, deuxième partie, chapitre 2. Malgré les menaces d'orage d'hier soir, voici que vers 7 heures, il fait un si joli temps saphir et or que j'ai envie d'aller revoir les jardins. Je passerai devant la fenêtre de ma princesse. Si je puis lui dire deux mots au départ, j'en aurai le cœur fleuri pour tout le temps de ma promenade. Sinon, je patienterai un peu et les verdures, les parterres, les paysages du grand parc et les champs prisonniers de murailles s'embelliront de l'espoir que j'aurai de lui parler au retour. J'ai dû rêver cette nuit. Il n'y a pas de Kmoroun, de Tkoukra. Il ne s'est élevé aucun cri du bâtiment des femmes, ou si quelques malades très fortement atteintes ont jugé à propos de donner un concert. Hélas, oui, j'ai encore leurs inhumaines clameurs dans les oreilles. Elle, du moins, n'a pas crié. J'aurais simplement été un peu plus fou que de coutume et me serais complu à me terroriser, à m'horrifier moi-même. Belle besogne de dément. Et Kmoroun de Tkoukra, elle est bien bonne, celle-là. Quelle imagination! Voilà que je découvre des planètes, que je deviens un douchable le verrier de Cabanon. C'est abracadabrant. Pas tant que cela, me répond très tranquillement Kmoroun, auquel je reconnais maintenant une sorte de voix psychique, féroce ou calme. Pas si abracadabrant que cela, puisque je demeure ton très dévoué pensionnaire, tout joyeux d'avoir à nous féliciter l'un l'autre de l'excellente santé de notre carcasse. Hein? Quelle joie d'être débarrassés entre nous de l'absurde! Comment vous portez-vous? Qui se dit jusqu'à Tkoukra? J'avoue que j'éprouve un désespoir profond, si sincère que soient mes convictions de partageux. Il va falloir désormais être surveillé, espionné par cet être d'espèces différentes et peut-être redoutable. Je n'aurai plus jamais la ressource de me réfugier en moi-même. Je n'y serai pas seul. L'ultime abri dont un forçat maltraité, dont un chien battu peuvent jouir, ne sera plus un abri pour moi. Toujours une présence, même si j'agonise de douleur. Oh, échapper à Kmoroun de Tkoukra, ne fût-ce que pour quelques heures, pour quelques minutes. Ah, c'est bien simple, répond le même Kmoroun. Veux-tu aller faire un tour hors de toi-même? Je me charge de t'y aider. Tu n'as qu'un mot à dire. Ce n'est plus un refuge que tu possèdes aujourd'hui. Tout peut te servir de refuge. Il te suffit de quitter ta guenille. Tu penses bien qu'après avoir eu tant de mal à découvrir le secret des sorties de corps astral, je n'ai pas été assez bête pour l'oublier. Tu pourras lâcher l'homme de Tkoukra, aller voir ta princesse et demeurer auprès d'elle le temps que tu voudras. Quand il te prendra fantaisie de réintégrer ta prison de chair et d'os, je t'agréerai de fort bonne grâce, car j'ai réfléchi. Je ne veux pas me conduire en accapareur. J'aime bien mieux abandonner un coin du logis au légitime propriétaire qui, sans cela, me rendrait l'existence insupportable à force de toujours voleter autour de moi en piaulant. « Je veux rentrer dans ma maison. Rendez-moi mon petit entresol. » Je n'aurai plus une seconde de tranquillité. Tu peux donc sortir sans crainte. À ton retour, je me montrerai plus poli, plus empressé que bien des concierges. Je ne te laisserai pas attendre à la porte. Mon Kmoroun a vraiment fait d'incroyables progrès en peu de temps. Il a lu bien des chapitres de vie terrestre dans mon cerveau. Il connaît les concierges. Mais il ne s'agit pas de cela. Je vais, si je le veux, allait passer plusieurs heures près de ma princesse, sans qu'aucune gardienne puisse en prendre ombrage. Ne serais-je pas invisible pour tous ceux qui ne sont pas des yogis? Et si Morhun me trompait, si indifférent et sourd à mes objurgations, il me laissait errant dans l'espace. Bah, je suis déjà si fatiguée de lui que je lui abandonnerai, je crois, la place sans difficulté. J'en serais quitte pour aller hanter perpétuellement ma princesse, qui est d'une société autrement gracieuse et agréable. Je réaliserais même ainsi le rêve de bien des amoureux. J'ai tant souffert ces temps derniers, je suis un homme tellement changé par l'angoisse que j'en viens à me figurer que ma passion est toute platonique, idéale, et d'autant plus délicieuse à éprouver. Certes, je ferais bien rire les bons conteurs du Gil Blas s'ils étaient au courant de mes divagations. Quoi qu'il en soit, je dis très délibérément au Koukrien. Je ne demande pas mieux que de m'évader pour quelques heures. Oh, je vois ce que tu rumines. Ce n'est pas très aimable pour moi, mais je ne t'en garderai pas rancune. Va, mon garçon, tu me reviendras plus tôt que tu ne penses. Tu n'as pas une âme volontaire comme la mienne. Tu me trouveras tout à ton service pour te faire opérer ta rentrée. Tu veux partir maintenant? Bien. Le meilleur moyen à employer pour libérer ton esprit est le suivant. Vouloir très fortement échapper à ton apparence matérielle. Par exemple, il faut savoir vouloir. Vouloir d'une certaine façon que je ne pourrais t'expliquer. Certains êtres découvrent peu à peu ce secret en eux. Mais tu n'en es pas encore là, mon veuli. Il faudra que j'intervienne, et fort énergiquement. Toutefois, tu me faciliteras la besogne en te servant du peu de volonté qui est en toi. Songe à un endroit quelconque, disons le bâtiment d'en face, et désire très violemment t'y trouver transporté. C'est aisé, tous mes rêves y volent. Mais qu'ai-je ressenti tout à coup? Est-ce une peur honteuse, brisante, une peur sans nom? Est-ce une trop furieuse joie? Est-ce une douleur exquise et presque mortelle? Qu'a fait ce Morhun? Je ne sais, mais la commotion est telle que je crois mourir. Et je me retrouve, bondissant, volant, au-dessus du jardin. Ni bondissant, ni volant en réalité. Je n'ai plus de corps, mais je continue de voir et d'entendre comme lorsque j'étais incarnée. Presque à la même seconde, j'aperçois, couchée dans son lit, ma princesse, les yeux révulsés, le rose clair de son visage devenu roseté, ses fines dents blanches découvertes, on dirait grinçantes, ses lèvres bleuies, étirées par un rictus farouche. Elle est encore belle, mais presque effrayante. Le docteur Froin et une gardienne causent debout à son chevet. « Ah, monsieur le docteur, vous savez bien, chaque fois qu'il y a cri la nuit, elle est comme ça le lendemain. Les autres se remettent tout de suite. À 2 heures du matin, elle faisait un charivari d'enfer. Et aussi vrai que je m'appelle Célestine Bouffard, au moment du petit déjeuner, vous les retrouviez vermeilles, souriantes et pleines d'appétit. Mame le Tellier, elle, ça lui donne une de ces crises qu'il lui faut la journée entière pour s'en sortir. C'est pas qu'elle s'exaspère plus que les autres. Elle donnerait de la voix plutôt moins que ses collègues. Maintenant, il est vrai de dire qu'elle, les rares fois que ça la prend, ça la fait grémir. C'est aigu comme une lame de poignard, et ça vous fait dans le dos comme si que ce serait une scie qui vous passerait sur les noyaux de la colonne. Musique d'Aubert, fait un baryton trop connu. Je découvre le gracieux bidôme, assis sur un fauteuil et caché jusque-là par la large carrure et les hanches phénoménales de mademoiselle Célestine Bouffard. Célestine Bouffard? n'a-t-elle pas joué un rôle dans certaines histoires de Toquet libidineux et de Tonnelle B, racontées par l'incendiaire Ozou? Ah, cette fois, il m'est donné de voir le docteur Froin en colère. « Monsieur Bidôme, gronde-t-il d'une voix toute changée, vous serez bien bon d'aller plaisanter ailleurs. Vous êtes stupide et inconvenant. » Et puis après, ricane l'aliéniste beauté. Et puis sortez immédiatement, je n'ai plus besoin de vous. Ainsi congédié, Bidôme, dit l'aimable, gagne la porte en chevauchant sa cravache et en faisant sonner ses éperons. Qu'est-ce que vous avez aux pieds? Avez-vous perdu l'esprit? Clame le docteur Froin. Bidôme répond, comme l'eût fait l'immortel Ubu, par un monosyllabe composé de 3 consonnes et de 2 voyelles, assez bas toutefois pour que le directeur puisse affecter d'ignorer cette gentillesse. Il continue d'inspecter son adjoint. « Et une cravache par-dessus le marché! Et vous caracolez? Vous avez certainement bu! Venir dans la chambre d'une malade pour jouer au cheval! Votre compte est bon! Allez m'attendre dans mon cabinet. Ou plutôt non, couchez-vous, nous nous expliquerons cet après-midi. » Comment ai-je entendu toute cette scène qui scandalise évidemment la distinguée Mademoiselle Bouffard, dont la voix de contralto gémit « Ah, chez le docteur Froin, des cacades pareilles! Où c'est que nous allons? C'est la renverse de tout !» Comment ai-je pu suivre ce dialogue ridicule au moment où je ne suis préoccupée que de l'état de la femme que j'aime? Elle a encore pâli, ses yeux roulent hagards. Son nez se pince et se tache de blanc livide aux narines. Sa bouche grimace un peu. Abomination, elle serait presque laide pour un autre que moi. Le directeur s'empresse, lui relève la tête sur l'oreiller, lui fait respirer des selles, tandis que Célestine Bouffard lui tape dans les mains. Elle se réveille brusquement, regarde autour d'elle. Les beaux yeux sont encore égarés, toute sa figure est convulsée. Elle ne se ressemble plus. « Oh, docteur! Quoi donc qu'elle a, cette pauvre petite madame Irène ? » crie Mademoiselle Bouffard. « Vrai Dieu, elle est y changée. Quel malheur ! Taisez-vous, » dit sèchement le docteur Froin. « Elle aura repris sa physionomie normale avant ce soir. » Mais le coup est porté. Irène, c'est par Mademoiselle Bouffard que j'aurai appris ce nom, Irène est prête à pleurer. Elle saisit le petit miroir demeuré à portée de sa main et y jette un regard épouvanté. « Oh, mon Dieu, je suis hideuse! Je ne veux plus qu'on me voie! Oh, c'est mal de me regarder comme ça! Je veux me cacher! Oh, surtout, celui qui va me délivrer, qu'il ne me voie pas, je le perdrai! Le seul ami, le seul! Par pitié, allez-vous-en! » « Le mieux est de la laisser un instant, » acquiesce le docteur Froin. Après ce qu'elle vient de dire, est-ce de moi qu'elle a parlé? Suis-je l'ami qui doit la délivrer? Ou a-t-elle imaginé quelque bizarre chevalier qu'elle croit rencontrer partout? Peu importe. Je trouverai cruel d'épier son désespoir, même à son insu. Je reviendrai plus tard. Je lui donnerai le temps de se remettre complètement. » Et tandis que l'infirmière qui suit le docteur ouvre et referme la porte, je sors de la chambre sans y penser au travers du mur. Car il n'y a plus pour moi d'obstacle matériel. Je me laisse aller, flottant au hasard, et me voici déjà loin de Vasselot. Une liberté si absolue m'effare, je ne sais qu'en faire. Je sens pourtant que si je n'étais pas aussi abominablement triste, si j'avais la moindre énergie spirituelle, rien ne me serait plus facile que de gagner, en un espace de temps incroyablement court, les beaux pays que j'ai toujours désiré voir, que de planer au-dessus d'océans d'un bleu lumineux, vers des baies cernées de palmes et de forêts fleuries. Mais, tout aux souffrances d'Irène, je ne songe qu'à ce qui peut me rapprocher mentalement d'elle. Et ne m'étonne pas de façon démesurée quand je m'aperçois que je suis, de haut, la route de Villiers-Ville-Plage, par où Léonard est parti ce matin pour aller chercher la mère de ma pauvre petite princesse. Je vais doucement ou vite, à mon gré. Et, bien que je n'aie plus d'organes, je vois et entends plus clairement. Je jouis plus vivement des parfums des prés et des haies que je ne pouvais le faire hier dans ma prison corporelle. Léonard a dû prendre la vieille route, la plus courte, celle-ci. En effet, au moment où je vais dépasser une sorte de vieux fiacre fermé, traîné par un cheval poussif et conduit par un cocher ivre, je reconnais la face auguste de mon gardien sortant du cadre de la portière. Il paraît furieux, mon gardien. Il est rouge comme un soleil couchant et jure avec une abondante véhémence. Quand il a suffisamment blasphémé, quand il a fait un large abus de locutions immodestes et d'épithètes ocaïennes, il en revient à la phrase régulièrement construite et je connais la cause de son ire. Quand je pense que c'est moi qui ai été cherché hier, vieux macabée crevé de boisson, toi et ton carcan à sonnette, je voudrais me songer, et puis toi aussi en nourrice de cochon de lait. Que le docteur Froin me disait « Prenez la voiture de l'établissement » et que j'y répondais « Non, je suis habitué avec Robidor et son flac. C'est la seule vésicule de Vasto qui est construite pour le malade. » Ah, il est bien, Robidor. Il arrive à 5 heures du matin, saoul comme père et mère. Comme un troupeau de bourris, quoi. Je comprends qu'une tape l'après-midi, mais à 5 heures du matin, il casse son brancard de drouette qui raccommode avec de la corde. Il se manque de ça qui me verse dans de la bouse et avec son mulet de cheval qu'a des pieds de marchandise. Il me fait faire 2 000 lieues à l'heure. Crée enfant de mauvaise femme, va. » Robidor demeure impassible. Une seule fois, mon gardien s'étant tu pour respirer, il murmure avec douceur. « Voyons, Léonard, fous-moi la paix, pas moins. Je t'ai vu plus soupe moi, je t'ai-tu fait des histoires ?» À la fin, Léonard rentre sa tête dans le fiacre et se met à brosser son melon blanchâtre avec une manche de sa veste. Il crache avec soin sur une petite tache encore inaperçue et frotte l'endroit avec son mouchoir. Puis il tire un journal de sa poche, enveloppe le chapeau dedans, atteint une valise faite d'un morceau de papier goudronné et d'une forte ficelle, y prend une sorte de casquette de marchand de marron et s'engante le crâne. Il monologue. « Ça, c'est un chapeau délicat. Ça supporte 2-3 heures de poussière, mais pas une demi-journée. Je le remettrai pour rentrer à Villiers-Ville. Mais pourquoi que je l'abîmerai dans la guimbarde à Robidor, qu'a seulement pas brossé son capitonnage? À qui fera de l'effet, mon galurin? Je vais t'y être coquille pour 3 pauvres vitres et un d'autre cocher dans les bignes du Seigneur. » Le cahotement du fiacre et le tangage sur place deviennent si doux, si berçants, que Léonard se croit, bien sûr, dans un rocking chair et finit par s'endormir. 1 heure au moins se passe. Le cocher dort aussi, saluant la croupe du bidet, puis la route jusque-là déserte, bordée de grands arbres espacés, ombrageant des tas de cailloux, s'anime maintenant de maisonnettes grisâtres. la douce rosse qui marche à sa guise et renifle l'arôme d'écurie connue, avance un peu plus vite, sans précipitation toutefois. Aux cahutes grises succèdent de nobles constructions de briques groseilles à toits d'ardoises indigo. Des pavillons de rentiers illustres, sans doute possibles, et le cheval cesse tout à coup de gratter de ses fers la chaussée dure et bombée. Il a fait halte derrière des charrettes de foin qui barrent la route. Et, peu gêné par son mors usé, gros comme une baleine de corset, commence à déjeuner avec lenteur. L'adipeux cocher se réveille, roule péniblement à bas de son siège, passe un bras par la portière et secoue Léonard sans trop de précaution, en hurlant « Hé, mon vieux garde-chiourme, v'là la mairerie !» Il reprend d'un ton posé d'observateur impartial, tandis que Léonard se frotte les yeux, puis développe son chapeau et s'en coiffe. « J'ai vu bien des chevaux dans ma grue d'existence, mais pas un qui aurait fait le poêle à bico. Ce bougre-là, il sait toujours par à peu près par où qu'on va. C'est vrai qu'il est opposé d'avancer par ses souteneurs de chartier. Mais enfin, il y en a d'aucun chevaux qui serait monté sur le crottoir. Lui pas. Il voit l'auberge à 15 pas. Et il se dit, pas la peine de faire des originalités quand il n'y a qu'un soupir à pousser pour arriver. Et puisqu'il y a de la salade, je vais en manger un morceau. « Ah, le failli canasson !» réplique Léonard. « C'est corps un particulier dans le genre à son maître. » Robidor paraît flatté, plus encore lorsque mon gardien ajoute. « Coûte un peu, tu vas remiser ici ta roulotte et ton poulet d'Inde, chez Angupostel. Moi, j'en ai pas pour longtemps chez le maire qui va me dire où que reste le parent de la mère Charlemagne. Paraît que c'est tout prêt. » Je vais avertir le copain qu'il fasse un baluchon pour sa cousine et qu'il la mette décente pour quand je viendrai l'emballer sur le coup de 3 heures. Ton animal ne peut pas repartir avant, pas vrai? Les claquer comme un vieux ballon. Ben, dans 20 minutes, une demi-heure, je te rejoins chez Angupostel. Dans le cas que tu te dessoulerais, on prendrait un verre ou deux. Ensuite, on mangerait ce qu'il y aurait, puis café, Gloria, et rincette sur rincette, si tu te tiens comme un zig. Enfin, nous allons charger, et en route pour la caserne de Vasto. On n'y sera jamais beaucoup plus tard que 9 heures, puisqu'il n'y a pas plus de 3 heures de route pour un bidet de moins de 39 ans. Et tu vois, je compte double pour le tien, qui est plus que la peau des bottes. Fous-y de l'avoine, en tout cas, c'est Froin qui paye. Mon gardien n'a même pas la peine d'aller jusqu'à la mairerie. Il rencontre à sa descente du fiacre le premier magistrat du bourg, éléphantin paysan au nez bleu, orné de narines poilues et aux yeux si invraisemblablement rusés que cela doit lui faire mal de les tenir tout le temps à ce grand d'expression-là. Léonard l'interpelle, lui raconte sa petite affaire, obtient l'adresse indispensable. Devant le plus gros fumier, là-bas, à toucher le bassin de Novigotion, et met le cap sur l'énorme tas d'ordures indiqué. Il frappe à la porte d'une maison sale mais prétentieuse. Une jeune bonne m'afflue, nullement prétentieuse, mais plus sale que la maison, grogne qu'il a de la veine, car M. Frédéric sort de rentrer. Nous sommes bientôt en présence de M. Frédéric lui-même. Un vieux monsieur de campagne, chétif, louchard et ahuri, déguisé en chasseur d'almanach comique ou d'image à un sou. La salle à manger salon de ce personnage est encombrée de fusils de tous les modèles, de gibecières, de poires à poudre. Le possesseur de cet arsenal cynégétique n'a rien de belliqueux. En dépit de ses 70 ans bien sonnés, il nous montre une imberbe figure piteuse de petit garçon puni. Ses yeux louches ressemblent à ceux d'un lapin mort. Ses lèvres tremblent tandis qu'il parle avec une incorrecte élégance. Ses rares cheveux plantés comme du chaume sur une maigre terre paraissent hérissés de frayeur. « Vous venez pour me délivrer de ma cousine, » soupire-t-il. « C'est une personne dangereuse et de mœurs, je le crains, équivoque. » Sa branche de notre famille domiciliée à Cagny n'a pas reçu autant d'éducation comme nous autres, élevés à Villiers-Ville. De là, je le crains, sa conduite nauséabonde et peu flatteuse pour sa parenteté. Le docteur médecin accoucheur de notre localité a dû la phlibostomiser avant-hier. Oui, monsieur, cette femme-là, cet Admerlan en jupon. Léonard interrompt son discours pour le prier d'empaqueter quelques vêtements et du linge pour la future internée et l'informer du moment de son départ. « À 3 heures seulement, mon cher et bon monsieur, oh, c'est une grande déception pour moi. Je croyais vous la transmettre tout de suite, et c'eût été sans douleur. Elle a encore le temps d'entrer plusieurs fois en danse. C'est le mot positif, mon excellent monsieur, de me porphyriser mes meubles et d'endommager mon physique qu'elle a déjà menacé d'extrafilade et autres violences. » Mon gardien lui explique la situation. Un cheval fatigué, un cocher à peine remis d'un coup de sang, pas de voiture à louer à Villiers-Ville. « Je vois, hélas, je comprends, » répond le chasseur navré. Mais je compatis bien à mes propres inquiétudes. Je ne respirerai des deux poumons que quand cette démoniaque personne aura franchi l'horizon. Mais ne pourriez-vous rester avec moi jusqu'à votre départ pour Vasto? Je suis à bout de force. Voyez-moi, moi, un homme de mon âge, inoffensif au point de n'avoir jamais exterminé que d'innocents animaux. Moi, armé d'un revolver meurtrier à ma ceinture. Un bulldogue brille en effet, de tous ses nickels, sur le ventre plat du bonhomme, qui reprend avec effort, d'une voix plus basse, comme honteuse. Et savez-vous pourquoi cette arme n'a pas quitté mon giron depuis avant-hier au soir? La folle voulait, ah, mon bon cher monsieur, oserais-je le dire? Elle voulait me ravir l'honneur. Le vieux Nemrod en frémit encore. Je peux pourtant pas plaquer le cocher qui devait manger avec moi chez Ancupostel, fait mon gardien. Ma foi, tant pis, répond tristement monsieur Frédéric. Amenez-le se sustenter ici. C'est de la dépense, mais je n'en mourrai pas pour une fois. Léonard se hâte d'aller chercher Robidor, qui ne l'avait pas attendu pour prendre beaucoup plus que ses 2 verres, mais qu'une seconde soûlerie a visiblement guéri de la première. Oh, homéopathie! J'y avais pas pensé, grommelle mon gardien. Mais c'est bien ça qu'il tenait, le sacré Robidor. L'était ça, mais pas assez! Le gros cocher, dont l'estomac est une vraie cale, fait honneur au repas. Les 3 attablés s'entendent, d'ailleurs, le mieux du monde, bien qu'ils parlent tous les 3 à la fois. Monsieur Frédéric narre des méchancetés de lièvres, de sales bêtes qui n'ont aucun égard pour les meilleurs tireurs, pendant que Léonard raconte des traits de canaillerie de Maboule plus obstinés et plus futés que les autres. Robidor, lui, n'abandonne pas un instant le chapitre du crottin. Pour sa vieille expérience, c'est une pierre de touche. Il en a vu d'extraordinaire, bien que toujours révélateur des habitudes, du caractère et des capacités du sujet. Dès le second plat, M. Frédéric est charmé de ses hôtes. Au dessert, il s'établit une si parfaite harmonie que l'on peut dire que les 3 parlent en chœur. On vient de verser le café. Le maître de la maison débouche une bouteille de cognac et la gaieté est à son comble, chacun s'amusant follement de sa propre conversation, quand il se produit un incident tout comme à la chambre ou au Sénat. La porte de la salle à manger s'entr'ouvre, puis passe, entre le chambranle et le battant, une vieille tête émaciée, fripée, mordorée comme un cuir de cordoue, une vieille tête aux yeux noirs, étrangement brillants, qui ne me paraît pas tout à fait inconnue. Comme on n'y prend pas garde, elle le disparaît, mais pour reparaître 2 secondes plus tard sur un corps incroyablement maigre qui flotte dans un affreux caraco noir, tout étoilé de graisse et un jupon de couleur indicible. Monsieur Frédéric lève les yeux et pousse un cri. « Aïe, voici la cousine !» La vieille dame, cette tigresse, fait timidement quelques pas et dit d'une voix lamentable. « J'ai faim aussi, moi, et on ne m'a rien donné à manger. » Monsieur Frédéric devient verdâtre et crie comme un écorché. « Robertine, venez vite prêter main forte à ces messieurs !» La bonne entre côté cuisine. Léonard et le cocher sont déjà debout. Je m'attends à une scène d'une rare violence quand les alliés s'approchent de la vieille pour la maîtriser, mais elle se contente de répéter « J'ai faim aussi, moi !» La bonne ricane. « Est-il couane, monsieur ? Elle n'est pas si féroce. Je vais la prendre avec moi et lui donner quelque chose à bouffer. » « Rien de ma table !» gémit Monsieur Frédéric. « Elle s'alimenterait gloutonnement de toute ma nourriture, et je n'aurai plus rien pour ce soir. Faites-lui chauffer les pommes de terre d'hier avec le morceau de bouilli. Rien d'autre. C'est une ruine, cette vieille aliénée de cet appétit !» Robertine prend par le bras la bonne femme qui pleure, mais s'apaise dès que la peu décorative jeune personne lui a promis de lui fourrer tout plein de saké bon. Vous comprenez, reprend Monsieur Frédéric, je ne puis pas mettre les plats d'or dans les plats d'argent pour une vieille aliénée qui n'a plus le sou. Bien sûr que ça a eu les moyens, et gros comme une meule dans le temps. Mais la mauvaise administration, le vice, la folie, peut-être la boisson, tout cela réuni a mangé le plus clair du capital. Le tuteur de cette famille de démons, un notaire, est un sentimental. Oh, un notaire sentimental, un crocodile qui s'est payé une muselière alors, et tient absolument à ce que ses pupilles soient traitées comme des parents de ministres chez le docteur Frouin. Ça revient à horriblement cher ces chambres à part, ces régimes dits fortifiants, etc. Je suis sûre que les revenus actuels sont dépassés. Hier, j'ai acheté à Robertine, pour la mère Charlemagne, 2 de ses costumes fatigués, mais encore bons, qu'elle mettait pour les grands nettoyages. Ils m'ont coûté 10 francs les 2. C'est une somme. En serais-je seulement remboursée? Alors, son baluchon, fait Léonard curieux, sera composé de sa chemise bien raccommodée et de celui des costumes de Robertine qu'elle n'arbore pas aujourd'hui. Enfin, le docteur Froin s'arrangera avec le tuteur. J'y compte bien. J'ai vraiment assez fait. Tout mon argent est placé, mal placé. J'ai même renoncé à me marier par économie. Alors, vous comprenez ? On a pris le cognac. Monsieur Frédéric rebouche la bouteille, mire bien le niveau du liquide, et fait, à la hauteur voulue, une petite marque avec un diamant de vitrier. De plus, il met la fiole sous clé, mais je l'entends murmurer. « La cellurerie ne vaut pas cher au jour d'aujourd'hui. » Il est près de 3 heures. Robidor s'en va chez Angupostel pour atteler son cheval. Robertine apporte les effets de la mère Charlemagne qui commence à s'inquiéter. « Elle n'aurait pas un chapeau, un bonnet ?» demande Léonard. « Nous n'arriverons pas de bonne heure à Vasto, et il fera frais. »« Elle possède une capeline, je te remémore, » répond Monsieur Frédéric. « On pourra lui en cindre le chef si la température devient trop frigorifique. » 10 minutes se passent et Robidor revient, son fouet en collier, annoncer que la bête est dans les brancards. Robertine empaquette la tête de la mère Charlemagne dans une sorte de torchon de laine noire qui a souffert du voisinage de bougies allumées et coulantes. Léonard offre gracieusement le bras à la bonne dame. Celle-ci pousse de petits cris et veut savoir où l'on va comme ça. « Nous allons promener en voiture, » flûte mon gardien. « Pas avec des messieurs que je connais pas, » proteste la folle. « Il y a des oubliettes dans les voitures, et on y jette les vieilles femmes comme moi. J'aime mieux aller voir des oiseaux de fer blanc sur le toit du grenier. Ils chantent comme des harmonicas. « C'est là que nous irons avec le fioc, par un chemin montant qui tourne, » susurre Léonard. « C'est-y bien vrai ?» La mère Charlemagne fait deux pas, à demi rassurée. Robertine lui dit au revoir, en lui donnant deux bonnes tapes dans le dos, en guise de marque d'amitié. Monsieur Frédéric respire, mais la pauvre femme se retourne soudain et sanglote, comme prise d'un pressentiment. « Tu m'embrasseras-tu pas, Frédéric, des fois que je reviendrai, que tard ?» Allons bon, voilà que ça la reprend, les bêtises. Voilà qu'elle va encore me persécuter de ses vilains gestes, clame monsieur Frédéric. Arrêtez-la, mais regardez-moi ça. Et ça s'est déjeté pour 60 ans. Que je connais des jolies personnes de cet âge qu'on dirait des jeunes filles. Et fichues comme ça, l'air d'en avoir 90, ça s'attaque aux hommes mûrs. Vous n'êtes pas dégoûtée de vous-même, Lali? Non, madame. Vous ne m'embrasserez pas. Ça vous fournirait encore un stock d'idées indécentes. « Des idées indécentes ? » s'exclame la malheureuse femme. « Peut-on dire, moi qui n'aime que les moutons frisés et les pigeons voyageurs ?» La pudeur de monsieur Frédéric doit être bien facile à effaroucher. Où a-t-il pris que cette triste bonne femme put être jamais dangereuse pour les vertus fragiles. L'érotisme de ce pauvre vieux à ressort de Lali me paraît des moins sénégalais jusqu'à présent. Robertine semble partager ma manière de voir, car je l'entends ronchonner une espèce de protestation d'où je puis extraire ces bouts de phrases. « Ben vrai, si Stella est polissonne, pas pitié d'une pareille squelette. C'est racheter une virginité, le père Frédéric. A plus peur des anciennes que des jeunesses, le vieux bouc. » Mais nous voici dans la rue. Léonard s'approche de la voiture et va aider la mère Charlemagne à y monter quand, frut, la folle dégage son bras, fait un petit bond de côté et prend sa course dans la direction du bassin. Robidor et Léonard lui donnent immédiatement la chasse, bientôt suivi de monsieur Frédéric, qui, vite, a été s'armer d'un fouet à chien. Elle a encore de bonnes jambes, la brave vieille, et donne du travail aux trois coureurs lancés à ses trousses. Mais elle commet l'imprudence de se risquer sur la jetée. Plus d'issue. Elle a beau décrire des cercles, faire des crochets brusques, elle va être saisie par Léonard quand lui vient l'idée, plutôt malheureuse, de se jeter à l'eau. Je la vois sauter, je la crois perdue. Mais nous avions compté, elle et moi, sans la file de barques rangée le long du môle. Deux pêcheurs occupés à déverguer une vieille voile se sont retournés au bruit de la poursuite et la happe littéralement au vol. On la hisse sur la jetée. Léonard et Robidor l'empoignent et, sans trop la s'aéraille, la portent toute gigotante jusqu'à la voiture où ils la campent sur une banquette comme un paquet et en route. Un peu mouillée, malgré l'adresse de ses sauveteurs qui n'ont pu empêcher le bas de sa jupe de prendre un léger bain, sa robe collée à ses jambes, la mère Charlemagne paraît encore plus maigre, plus longue, plus fantastique. J'aperçois de loin M. Frédéric essoufflé, mais jubilant, qui se frotte les mains avec délice, et Robertine qui montre le poing à son maître. La folle pleure, et, après le premier moment de prostration, fait une musique du diable, suivant l'expression de mon gardien. « Où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va ? » crie-t-elle en se débattant, maintenue solidement par la poigne de Léonard. Cet agent de recrutement pour la maison Froin conçoit enfin une idée lumineuse qu'il aurait bien pu avoir plus tôt. « Où qu'on va, ma bonne dame? Mais à voir vos fils et votre fille, qui sont chez des amis. » « Fallait me le dire !» s'écrie la folle. « Moi, j'avais peur d'être emportée par des gendarmes en civil. Rapport à morceaux de saucisson que j'ai volé à Frédéric, parce que j'avais des ronds de couteau dans l'estomac. C'est bien ce qu'on fait aux voleuses. On leur met des fers rouges sous les aisselles et on leur coupe les cheveux avec des tenailles. Il vous donnait donc pas à manger, votre cousin ?»« Oh, il est bien gentil, mais il n'aime pas les gouillafres. » Il me l'a dit. Alors je ne soufflais rien quand il me donnait des tout petits bouts de pain sec et je cherchais ma vie dans les coins. Robertine m'avait bien donné quelque chose, mais il mettait tout sous clé. Pas tout, puisqu'il y avait le saucisson sous la table de la cuisine. Oh, une tranche est pas bonne. Et puis un vieux morceau de lard à côté d'une paire de bottes dans le hangar. Et puis un demi-art en fumée dans le jardin, près des poules. Mais je l'ai volé, ce pauvre Frédéric, et c'est pas bien. Le voyage de retour est dur. Le temps, si beau dans la journée, se gâte vers 5 heures du soir. Il pleut, et Léonard remet son chapeau melon dans le journal. Nous sommes en été. Pourtant, un froid aigre que je ne sens pas absolument, que je devine plutôt, pénètre par des interstices dans le fiacre. Le véhicule est vieux, tout disjoint. Le bois des portières joue, la capote doit être crevassée. La mère Charlemagne grelotte dans sa robe qui ne sèche pas. Mon gardien est d'une humeur affreuse. Plus tard, quand la nuit tombe, c'est bien pis. Les arbres qui défilent devant les vitres prennent des formes monstrueuses dont la folle s'épouvante. L'eau commence à tomber dans l'absurde guimbarde. Des gouttes lourdes et glaciales arrosent le front et les mains de la bonne femme qui crie de saisissement. Le splendide chapeau melon n'est plus à l'abri. Le journal reçoit plus d'une éclaboussure. Léonard se remet à jurer et la mère Charlemagne recommence à sangloter. De loin en loin, de troubles lumières rouges disent que l'on traverse un village. Et des chiens hurlent. Robidor, rafraîchi par l'ondée, se décide à presser un peu son cheval et la voiture se comporte comme une barque par forte houle. Enfin, vers 8h30, on dépasse le bourg de Vasseteau et le fiacre stoppe devant une grille. Le cocher descend de son siège et sonne. La grille s'ouvre et le triste char roule bientôt sur le gravier d'une large allée. Robidor et Léonard débarquent la mère Charlemagne, la maintiennent vigoureusement entre deux et, dans la traversée du vestibule, le voisinage de la direction agissant sur eux affecte tout à coup le zèle répressif d'une paire d'argousins ramassant un gamin voleur de pruneaux. C'est en roulant des yeux féroces, en gonflant les veines de leur front, en ahanant comme à bout d'effort, qu'ils traînent leur dangereuse prisonnière, abêtie de cette subite frénésie, dans le cabinet directorial. Le docteur Froin, depuis longtemps blasée sur l'enfantine mise en scène de cette comédie, hausse les épaules. « Voyons, Léonard, lâchez un peu cette dame. Vous finiriez par faire semblant de la brutaliser, ce qui ne serait plus dans l'esprit d'un rôle jusqu'à présent si bien joué, trop bien joué. Tenez, Robidor, voici ce que je vous dois. Vous pouvez vous retirer. » Le gros cocher sort après une révérence de maîtresse de pensionnat. Près du docteur Foin se tient Bidôme, mais un Bidôme encore une fois transformé. Un Bidôme sans bottes et sans cravache, grave, distingué, un peu trop inspiré peut-être. Un médecin aliéniste pour graphie ou monde illustré. Sa voix est encore plus gutturale, plus insistante qu'à l'ordinaire, quand il interroge Léonard au sujet des désordres observés. Mais sa politesse envers la malade est parfaite. Le père Foin est visiblement charmé de la tenue de son adjoint, qu'il regarde d'un œil paternel. « Sais-tu vrai que je vais voir mes enfants ?» demande la folle. « Mon Dieu, madame !» trombonise Bidôme. « Vous me permettrez de vous faire observer qu'il est un peu tard ce soir pour cela. Mais demain, le plus tôt possible, je me ferai un plaisir de vous les amener moi-même dans votre appartement. Je comprends l'impatience d'une mère. » On se croirait à l'ambigu. Et dès que le docteur Foin a suffisamment causé avec la pauvre femme, la rassurant, l'égayant même, tout en la sondant, sans qu'elle s'en doute, l'élégant Bidôme, plus que galant, prend par la taille la nouvelle pensionnaire et veut à toute force l'installer bien chez elle, dans l'autre bâtiment. Mais à peine s'est-il acquitté de sa mission et a-t-il remis sa protégée aux mains d'une infirmière que, rencontrant dans un couloir la gardienne principale, il la terrifie en lui racontant d'horribles et imaginaires traits de férocité qui font de la cousine de M. Frédéric une sorte de cannibale compliquée d'amazone dahoméenne et de sectatrice du bal phénicien. Il ajoute « Vous allez me l'affaiblir, me la calmer, en la purgeant et repurgeant. Et si elle fait encore du boucan, en avant les vomitifs, la diète, la douche et la camisole, vous savez bien. « La joyeuse camisole !» La gardienne, très impressionnée, se décide très difficilement à entrer dans la chambre de la formidable démente qui, déjà couchée, regarde paisiblement une solide infirmière occupée à étendre ses loques mouillées. Oserais-je, moi, pénétrer dans une autre chambre, assez éloignée, que j'ai fui ce matin ? Oui. Je veux la voir, avant d'aller rejoindre dans ce qui fut, en toute propriété, mon corps, l'exécrable Tkoukrien Kmohoun. Irène sommeille dans la lumière d'or rose d'une petite lampe. Elle est redevenue belle, plus belle que jamais. Mademoiselle Bouffard, assise à son chevet, ourle des serviettes, et interrompt de temps à autre son travail pour relire une lettre écrite sur du papier assez sale, mais ornée d'une artistique chromolithographie représentant une colombe qui tient dans son bec un cœur cramoisi. Tout à coup, elle soupire. « Ce rigolo de pas pleurer, c'est un gardien. Il en dit des cochoncetés. Mais quel beau garçon! Et s'étendre au fond sa petite tartine au poivre. Il a la pudeur de sa sensibilité. Irène, veillée par cette grosse gourgandine. Mais elle dort, ignorante du malpropre sentimentalisme de sa gardienne, comme de la journée que vient de passer sa pauvre bonne femme de mère, emprisonnée comme elle et dans la même maison. Les êtres désincarnés peuvent-ils donner un baiser? Je crois qu'il est permis de répondre oui, si grotesquement invraisemblable que cela puisse paraître, car il me semble me griser des parfums de toutes les fleurs sur sa joue pâlement rose dont je sens la ferme douceur et le velouté. Je reste longtemps, longtemps, à me délecter de cette caresse qu'elle ne peut deviner. Même éveillée, la soupçonnerait-elle? Et j'oublie, et mon corps abandonné, et le sombre esprit venu d'une lointaine constellation par les vertigineux chemins de l'espace glacial. Mademoiselle Bouffard va se coucher en portant la lumière. Je ne vois plus ma petite princesse, mais je la respire, je la hume. Et c'est au petit jour seulement qu'un instinct plus fort que ma volonté, plus fort que ma passion, s'empare de moi, exige que je m'inquiète de Khmoroun et de cette autre partie de mon moi. La guenille terrestre dédaignée des heures et des heures. Et pourtant, j'éprouve une sensation d'arrachement quand il me faut m'éloigner d'Irène, inconsciente de ma présence. Tout est explicable dans ce qui m'arrive. Pourquoi la force qui me mène m'oblige-t-elle à frôler le sommeil de l'affligeante mère de ma princesse, à constater que, calmée par un long repos dans un lit confortable, bien différent sans doute du grabat offert quelques nuits à sa fatigue par la diabolique avarice du cousin Frédéric, ses traits défripés et comme redessinés, son expression de visage devenue presque heureuse et espérante, la vieille femme ressemble cruellement à ma délicieuse Irène. Pourquoi, surtout, au moment où je suis frappée de la souriante placidité de la pauvre folle, une scène plus poignante que tout ce que j'ai vu aujourd'hui m'apparaît-elle comme un avertissement prophétique? Oui, prophétique. L'affreux spectacle, je le reverrai presque identique, de mes yeux charnels, dans un autre pays, bien loin d'ici. Deux hommes à tête de forçat, passés mouchards, poursuivent, dans une forêt, une vieille femme toute nue, dont les longs cheveux d'un blanc sale battent les épaules et les reins. Des branchettes épineuses égratignent la peau grisâtre de la fugitive qui bondit, telle une maigre et minable chèvre, qui fonce sur les halliers hérissés de piquants et de griffes, insensible à toute souffrance. Voici que des clairières succèdent aux fourrés. La femme court droit devant elle plus vite et plus vite encore. Mais sur le sol tapissé d'herbes fines et courtes, les poursuivants gagnent du terrain. L'un d'eux allonge un bras, touche une épaule de sa proie qui se retourne et veut mordre de ses dents aiguës et blanches, singulièrement jeune dans la face sabrée de rides. Mais le demi-succès de son compagnon a enragé l'autre molosse humain qui fait un effort sauvage, se jette en avant, désespérément, penché à tomber, les deux mains tendues, empoigne la chevelure blanche, perd l'équilibre, emporté par la furieuse lancée de sa course, s'abat, roule sur le corps de la malheureuse qu'il meurtrit de ses coudes, de ses genoux, de son ossature énorme. Les deux hommes à tête de forçat exultent. Il traîne sur le sol la forme saignante, puis, l'étalant sur le dos, la souille hideusement l'un après l'autre, et, comme la victime a encore la force de crier, il la martyrise à coups de poings et de souliers ferrés. C'est une loque humaine qu'ils emportent et jettent dans une sorte de fourgon. Le cheval s'éloigne au galop sur une route boueuse. La fange vole, éclabousse le sinistre char de grosses macules jaunâtres et tout disparaît.